lâchera jamais mon Et si on s'y met tous, on est une armée, on peut le faire basculer. Je lâche rien, car le système est un Il me pousse pour être sûr que je sois acculé. Mais je suis un soldat, je lâcherai pas, il pourra jamais m'en Et si on s'y met tous, on est une armée, on peut le faire basculer. Y a-t-il un test? Non, je prenais ma veste, non. Et si je proteste pour que je manifeste, suis-je en arrest? Non. Nous le pouvons si nous voulons, nous le voulons si nous votons. Utilisons l'arme d'expression, car les soldats c'est Attention, voici la musique, je veux que des paroles explosives. Que l'on colle bouche sur une ogive, qu'il avoue action abusive. Attention, voici la musique, beaucoup plus hostile que passive. M'envoie dans la face pour parer l'offensive. Je lâche rien, car le système est un Il me pousse pour être sûr que je sois acculé. Mais je suis un soldat, je lâcherai pas, il pourra jamais m'en Et si on s'y met tous, on est armé, on veut le faire basculer. Je lâche rien, car le système est un Il me pousse pour être sûr que je sois acculé. Mais je suis un soldat, je lâcherai pas, il pourra jamais m'en Et si on s'y met tous, on est armé, on veut le faire basculer. Il faut la s'imposer, c'est celui qui veut niffer la crance. En lui assurant feu, ça se cuira sans souffrance. Le nain s'est échappé de son jardin et veut conquérir le monde. Le montgolfière a explosé en l'espace de quelques secondes. Ce petit heureux à la bord du grand euro est ami du diable. Ce qui est parade et plane aux frais du contribuable. Il est bien au chaud lui, mais tout le monde trouve ça normal. Il occupe une autre fonction, ce petit roi de carnaval. La monarchie n'a pas disparu, elle s'est juste travestie en cette petite allumeuse de démocratie. Qui nous parle d'égalité mais ne rêve que de gros profits. Elle veut nous faire taffer toute la vie. Je la...